demain, figé par ton chagrin, tes attentes, tes espoirs, tu n'y crois plus, il est trop tard. Encore une fois, tu te disloques. Un vrai puzzle irréparable. Encore une fois, l'insoutenable s'enfermer et se nuire dans sa bulle et crier.